l'épisode d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramin qui vient nous faire sa chronique Télécharge quoi? Et Martin Bertrand analyse la presse People dans sa petite mythologie. Ça et plein d'autres trucs à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Ça va? Ben oui. Tu m'as l'air de moustachu aujourd'hui, toi. Eh, tu trouves? Je sais pas, c'est un drôle d'adjectif, il me semble, pour me décrire. C'est un nouveau look, ce look moustachu. Ben oui, tu sais, aujourd'hui, il fait pas très beau. C'est un peu gris, c'est bien, c'est plus que gris aujourd'hui, c'est vraiment la pire journée de l'hiver. Là. Ouais, c'est affreux. La pire journée au monde. Donc des fois, il faut aller chercher la lumière là où elle est, c'est-à-dire dans son cœur. Et tout le monde sait que la meilleure façon d'extraire la lumière de son cœur, c'est de porter la moustache. Bon, c'est dit. En tout cas, tu l'as... Ah, merci. Malgré le rire que j'ai dû contenir pendant les premières minutes que je t'ai vu aujourd'hui. Malgré les inconforts créés partout avec tout le monde que je rencontre, ouais. Les gens qui se regardent les pieds et autres. Ils n'osent pas trop parler. Ouais. Bon. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, comme toujours, le plan est très, très chargé. La vigilance auditive est nécessaire, mais le plan est inclus, donc ça, c'est plus facile à suivre comme ça. Hein? Bon, Maxime Lemieux-Laramé va être avec nous pour nous parler de nouveautés musicales. Aujourd'hui, son menu est composé de Surfer Blood, de Beach House et de Los Campesinos. Oui, ça, tu vas être très content. Hein? Ah, j'adore Los Campesinos. On en joue souvent ici, puis je sens qu'on va avoir du nouveau matériel. Si Maxime en parle dans sa chronique, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, mais on va le laisser nous en parler. Ça se passe dans à peu près une demi-heure. Il va aussi y avoir les petites mythologies de Martin Bertrand. Comme toujours, Martin qui analyse un sujet de la culture populaire. Aujourd'hui, c'est la presse People. Happy People. Et moi, dans la chronique technologique CNX, la chronique Geek. Et je vais faire le tour du net. Donc, des choses qui se sont passées sur Internet. Ça va être plus tard dans l'émission. Mais on commence en musique, comme on le fait toujours, avec Jacques Maure dans ce cas-ci. Oui, avec Jacques Maure, un groupe assez tranquille. Il y a eu ce petit EP de 5 pièces là, très longtemps, là, quoi, peut-être 2-3 ans. Ouais. Je sais pas si ça existe encore. Je suis sur leur MySpace présentement, puis ils se sont connectés récemment, dans les derniers jours. Ah. Ils sont allés voir leurs messages, puiser le spam et tout. Donc, il y a encore quelque chose qui vit chez Jacques Maure. Il y a de l'espoir dans nos cœurs de moustache. Nous, on va écouter l'âge de la raison, l'âge qu'on atteint bien avant l'âge de la moustache. Ah oui? Ah, je sais pas. Je dirais que la moustache pousse pas dans mon milieu de... C'est plus... La moustache, c'est plus l'âge de la sagesse, je dirais. Ah. Ouais. Non. Au sol des chaînes, ça c'est jamais de trop. Comme une mère qui m'inonde les mains. Viens-tu te noyer dans ses eaux. Sur la montagne, c'est vrai sans rien n'est pareil. J'ai l'impression. ont failli abandonner la pièce avant la fin. Hein, c'est... Maudit MySpace. Hein? Et non, mais ouais. Ouais, ben maudit gars derrière la console, qui, c'est-à-dire moi aussi. Mais bon, yeah, si tu veux faire une émission merdique, fais-la merdique jusqu'au bout. C'est mon slogan. Tu sais. Tant qu'à faire de quoi. Ouais. Hey, on vient d'entendre le groupe La Question avec une nouvelle pièce, en fait, un nouvel extrait de leur prochain album qui va s'appeler 21e siècle. Mm-hmm. Il va être lancé à Montréal le 6 mars prochain, donc dans un petit peu plus qu'un mois. Et c'est l'album qui suit leur premier album qui s'appelait Affranchi, pour lequel il n'y avait pas eu d'énormément bonnes critiques. Là. Il y avait en tout cas, il y avait eu quelques mauvaises critiques. Ils en ont eux-mêmes fait le résumé, en fait, ils ont fait un genre de petit... Ils ont rassemblé plusieurs extraits de plusieurs critiques qu'ils ont eu sur leur album, sur leur MySpace. Vous pouvez aller voir ça. Je pense que c'est dans un billet de blog. Là, c'est peut-être dur à trouver. Moi, je l'avais pris sur le lien d'une autre page, en tout cas. Mais c'est ça, ils ont eux-mêmes fait une liste des critiques qu'ils ont eues, puis c'est assez négatif. Donc, je pense qu'ils prenaient quand même assez bien. Mais en même temps, j'ai vu une vidéo qui est un peu un genre de teaser pour le prochain album, 21e siècle, et ils détruisent carrément cet album-là. Donc j'imagine qu'à travers ça, il y a un message à comprendre. Je pense peut-être qu'ils n'aiment pas tant cet album-là, ouais. Je sais pas, mais c'est quand même peut-être un bon de l'autodérision album. Ou de... Affranchi, il y a quand même deux pièces de cet album-là qui ont été sur le palmarès francophonie. Est-ce que tu trouves le son si différent que ça? Moi, je trouvais que ça s'apparentait quand même à ce que j'avais déjà entendu ça de la question. Ça ressemble hein? beaucoup, je trouve, à la question, oui. Ouais. Mais bon, on va voir pour le reste de l'album. La question, leur plus récent, leur ancien s'appelait Affranchi, leur nouveau s'appelle le 21e siècle. C'est 21e siècle, c'est 21e ça. Siècle. Bon, soyez allés à l'affût de tout ça. À exact. Voilà. Bon. Vous êtes Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Tout de suite, on retourne en musique. Oui. Pourquoi pas? On va entendre un petit peu de palmarès anglophone, mais pas la pièce qui est dans le palmarès qui s'appelle Juliet de ce groupe-là, Colorado. On va plutôt entendre American Rama. Tout de suite. Ah, Assemblage Requis. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. La nouvelle entrée de OK Go dans le palmarès anglophone, c'est This Too Shall Pass à Assemblage Requis. Ouais! Oui, tout à fait. Hey Mathieu, j'ai une devinette pour toi. Ah, une devinette, j'aime ça, une devinette. Ok, je te pose la question. Tu essaies de trouver. En fait, qui suis-je? J'essaie de trouver de qui je parle. Ok. Je cherche à connaître la nature des sentiments que Brooke éprouve pour Nick. Ok, bon. Brooke éprouve pour Nick. Ah, c'est Caroline, c'est maman de notre. Je vais aller avec un nom bébé commun, mettons Stéphanie. Wow, t'es vraiment fort. Il voit que t'écoutes vraiment beaucoup cette émission-là pour savoir autant les personnages, pour connaître autant les personnages. Donc, tu vas pouvoir me dire quelle est cette émission. Je vais te dire que c'est. Modèle. Évidemment. Yeah. Sauf que si étant donné que tu connaissais autant les personnages, ça aurait été mal vu que tu te trompes. Ben oui, qu'est-ce que ça aurait donné, ça, voyons donc. Hein? De l'incompétence. Très fort. Mm-hmm. Tu as une autre devinette? Oui, s'il te plaît, ouais, une autre devinette. Ouais. OK. Une facile. J'ai vraiment... Une dure. J'ai vraiment l'impression que Taylor est sur le point de craquer et de sombrer dans une dépression. Que Taylor est en train de sombrer dans une dépression, ça me vient de même, je dirais... Rick. Wow. Wow. Très fort. Donc, vrai. Donc évidemment, tu peux me dire de quel téléroman il s'agit. Les Feux de l'amour? Non. Non, Top Model aussi? C'était Top Model. Ah. Oh. Dommage. 3 sur 4. Hein? Quand même, c'est bien. Alors, voilà. Oui. Voilà pour les suggestions télévision de l'après-midi. Ben, c'est ce qui joue en ce moment. Donc, à un moment donné, il faut se tenir au courant de ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Il n'y a pas juste Assemblage Requis. Et voilà. C'est quand même. Beaucoup de compétition quand même. On donne un petit coup de pouce là, à TVA. On a besoin. Ben, donc, TVA. Une petite tape dans le dos des fois, tu sais, pour leur dire continuez, vous faites du bon travail. Vraiment. Ouais. Je sais que ça remplace pas 2 millions d'auditeurs, là, mais quand même, une tape dans le dos, ça fait la job. Est-ce qu'on continue en musique? Ah oui, ben oui, on pourrait continuer en musique, c'est une bonne idée. Ouais. On a quelque chose de super intéressant musicalement à vous proposer tout de suite. On va aller écouter le nouvel extrait du futur nouvel album, en fait, de Plants and Animals. L'album s'appelle La La Land. On a déjà fait jouer cette pièce-là. Elle est disponible en téléchargement sur le site du groupe, le site internet du groupe Plants and Animals, ou sinon sur leur MySpace aussi. La pièce s'appelle Tom Cruise et ça va sortir sur leur nouvel album le 20 avril prochain. On l'écoute tout de suite. À Assemblage Requis. Smile in the mirror. C'est fou, c'est fou, c'est fou comme un balai. Comme un balai. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et comme c'est l'habitude, de maintenant, les lundis à 15h30, on accueille Monsieur Maxime Lemieux-Laramé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu tassais le micro pour mieux me voir? Oui. Est-ce que tu as parlé un peu de Kiwan? De sa moustache? Visage, hein? Bien sûr, il dit que ça vient tout droit de son cœur. C'est comme merveilleux, c'est merveilleux. Mais t'es plus propre comme ça, étrangement. j'ai enfin l'air respectable. Bon, alors aujourd'hui, plusieurs nouveautés, dont toi Mathieu, t'aimes ça en Los Campesinos? Oui, je trouve ça super bon. Puis tu savais pas qu'il sortait un album demain? Non, moi je suis au courant de rien, tu sais. Ouais, mais en tout cas. Je veux être surpris dans la vie. Fait que j'écoute rien, je sais rien, puis là je suis comme surpris. Belle fin. Ah, c'est bon, c'est belle technique. Ouais. Pour être surpris. Alors, c'est ça, Los Campesinos, groupe Pays de Galles. Je savais même pas c'était quoi le Pays de Galles, mais ça a l'air que c'est au Royaume-Uni. Puis, en tout cas, ils viennent du Royaume-Uni. Mm-hmm. Et puis, c'est leur troisième album long qui sort demain, c'est ça, en magasin, comme je le mentionnais. Alors, Los Campesinos, c'est un vrai groupe de musique indie, hein, avec 7 musiciens. Alors, c'est ça le prochain album qui sort demain, Romance is Boring. Plusieurs pièces, il y a comme, je pense, 15 pièces. Est-ce que tu le vois, combien il y a de pièces? Tu veux que je te dis ça? Ça ouais. Il y a, je que te dirais... Ouais, exactement 15 pièces. Et le JPEG de la couverture. Hey! Hey! Alors, j'ai choisi la pièce titre de l'album, Romance is Boring, qu'on va écouter à l'instant. Alors, c'est Los Campesinos. L'album sort demain en magasin. Et vous écoutez Télécharge quoi? À l'émission Assemblage Requis. Los Campesinos ou Campesinos. Campesinos. Et muy caliente. De la piñata avec la, la pièce Romance is Boring de l'album du même titre qui sort en magasin demain, leur troisième album. Mais je veux pas, je veux surtout pas remettre en doute cette information. Remettre toujours en doute. Mais en tout cas, sur ici, je suis sur le site internet de Las Campesinas et on dit 1er février pour l'album. Ouais, mais je pense que. En tout cas, moi, j'ai vu peut-être, sur Internet. Peut-être version numérique avant ou. J'ai vu sur Internet qui disait 1er février en Europe, Royaume-Uni. Et puis 26 février, États-Unis, Canada. Okay. Mais sûr. Bon, ça reste à confirmer. C'est bientôt, en tout cas, un ou l'autre. Sinon, vérifiez sur iTunes, c'est toujours c'est vrai. Les premiers à mettre ça disponible, à rendre ça disponible. Ouais. Alors, deuxième artiste dont je voulais parler, artiste que j'ai connu en fouillant sur Pitchfork un peu, ça s'appelle Surfer Blood et ils ont sorti un album la semaine passée. En avais-tu entendu parler, Kiwan, Surfer non, Blood? Non, vraiment pas. Mais c'est un groupe de West Palm Beach en Floride. C'est rare hein, qu'on entend que je parle de bandes qui viennent pas de New York, qui viennent de la Floride. C'est ça, puis ben, c'est pas mal indie rock, mais tu sais, j'aime pas trop me lancer dans ces analyses-là, vous mais, le savez. Mais je trouve que ben, tu ne devras pas de toute façon commenter, étant donné que tu n'aimes pas ça. Mais moi, je trouvais qu'il y avait un peu des influences, justement. Tu sais, c'est pas original. Ben, je ne sais pas pour qui, pour moi de dire ça ou pour eux autres de sonner comme ça. Ouais. Mais le groupe s'appelle Surfer Blood, mais je trouve qu'il y a quand même des influences de musique de surfeurs des années 60, okay. 70. Ben, Beach Boys, Beach un peu. Beach Boys, exactement, ouais. Je trouvais. Ouais. Moi, j'ai juste entendu les tunes qu'il y a sur, sur MySpace. OK. Là. Ben, vraiment rapidement, mais je sais que, en tout cas, ça, la pièce Swim, je l'aime particulièrement. Et puis, c'est ça qu'on va écouter. C'est ça, c'est l'album, il est sorti le 19 janvier, dans le fond, le mardi passé. Ça s'intitule Astro Coast. Et puis, c'est ça, c'est un band de Floride. De surfeurs. De surfeurs. De surfeurs. De surfeurs. Surfeurs. C'était Swim de Surfer Blood, de l'album Astro Coast. Et puis, dernier groupe dont je voulais parler, j'en ai déjà parlé ici à la chronique, c'est Beach House. J'avais parlé de leur album Devotion, qui est paru en 2008. Mais cette semaine, en fait, demain aussi, un nouvel album pour Beach House qui va être en magasin. Mais là, tu peux peut-être voir sur Internet si c'est pas le premier. Non, mais C'est vrai, je cherche des informations pour te contredire. Je suis pas mal sûr, en fait, presque certain que l'album va paraître demain en magasin. Beach House, ça, c'est un duo de Baltimore. Et puis, c'est très... Ben, en tout cas, j'ai vu Dream Pop, là. Dream Pop? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est très pop. C'est doux aussi. Doux pop. Doux pop. Pop doux. Ben, okay. C'est un duo, hein? Ouais. Fait que c'est doux. C'est un doux duo. Alors, c'est le troisième album. La pièce que je voulais faire jouer, c'était Used to Be, qui est un simple qui est sorti il y a quand même quelques mois. Mais j'ai écouté l'album, puis je trouvais que c'était une des bonnes tunes. Alors, la pièce, ça va être Used to Be que j'ai choisi, qui va être sur l'album Teen Dream de Beach House, qui sort demain. Vous écoutez toujours la chronique Télécharge quoi? J'ai pas trouvé pour me contredire. J'ai pas trouvé rien pour te contredire, mais j'ai trouvé des poppers offres pour louer des maisons sur la plage, par contre. Ah, OK. Beach House. Uh-huh. Ouais, ben, faites des bonnes recherches. Ils vont-tu être à Dublin bientôt? Ben oui, justement, tandis que t'en parles, très bientôt. Super. Thank you. j'ai plus mes notes. Ah, je les ai serrées. Alors, c'était Beach House. T'as pas de notes, tout par cœur, ton affaire. Tu non, connais non, ça. J'ai des notes, voyons. Alors, ouais. C'était Beach House, la pièce Used to Be de l'album qui sort demain, Teen Dream. Ils vont être à Dublin, c'est quoi, le 13? Le 13 février, effectivement. Il reste encore des bons billets. On aime vous tenir au courant de ce qui se passe à Dublin. Sinon, le 29 mars à Montréal, ouais. Pour les losers qui ne pourront pas être à Dublin. Ouais, tout dépendant de où est-ce que vous habitez, vous pouvez aller à Montréal ou à Dublin. Il n'y a pas d'autres dates. C'est tout? C'est tout, Matt. Pas d'autres dates. Fait que moi, j'y vais, j'ai un autobus à prendre. Ben oui, ben on te laisse aller prendre ta bus. Hein. Merci. À la semaine prochaine. Ben oui, si tu veux. Essayez de penser à moi le plus souvent possible cette semaine. C'est un défi? Oui, c'est un défi. Combien de fois minimum? Ou, non, encore dites mon nom au moins à chaque émission cette semaine. Ouais, okay. OK. C'est bon. OK, bye. Bye, Maxime Lemunaramé de Télécharge quoi? Moi, une top scénar. C'est pas pour ça. Attends un peu, attends que ça sorti. Ah, c'est vrai, il est pas encore parti, excuse-moi. Je pensais l'avoir vu. Bon, donc vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Nous, on continue pour encore un bon 1h15 minutes, je pense, à peu près. Au moins. Ouais. Et on va retourner en musique tout de suite avec une pièce de Obijou, ça s'appelle Intro to Seasons, à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Pas encore parti, toi? Bye. Va-t'en! Le président par terre baigne dans son sang. De qui, de quoi, le pourquoi se répand. Et c'est là que ça fuck. Faut que je parte au plus vite, que je quitte la clique. On va vouloir ma peau, pousse à ta peau et va-t'en jusqu'au Nouveau-Mexique. Pris par la panique, prête à fondre. La panique prête à fondre. J'ai tiré sur le diable. Traces comme une bestiole, traquant mon ombre de peine. un bon vieux classique de Carquois, La Fuite, dans Assemblage Requis. Oui, ça date ça de leur album, pas leur dernier album, le précédent, qui s'appelait Les tremblements s'immobilisent. Exactement, et Carquois, il y a plusieurs rumeurs les concernant qui courent ces temps-ci depuis une semaine ou deux. Courent à la fuite. Qui courent à la fuite de Carquois. En tout cas. Ouais. Oui, il y aurait un nouvel album qui s'en viendrait pour Carquois dans les prochains mois. On parle de fin mars, mais la date n'est pas officielle encore. C'est pas, ça n'a pas été annoncé officiellement, je crois, par le groupe. En tout cas, on peut lire plusieurs trucs là, sur différents blogs. Différents internets. Là. Sur différents internets, tout dépendant duquel vous avez acheté. Et ça se dit même pas, c'est grammaticalement ce que je dis. C'est ça. C'est un peu n'importe quel quoi, comme on dirait. Vraiment. Mais c'est ça, les gars seraient en train ou auraient récemment enregistré un album en France au studio du chum de Marie-Jo Thériault, qui habite là-bas. Et le même studio où Patrick Watson a enregistré Wooden Arms. Donc, c'est ça. Fin mars, à ce qu'on dit pour un prochain album de Carquois, mais on va venir au courant. Absolument. Un autre artiste qui lui a annoncé lui-même, donc c'est officiel, pour le début avril, un nouvel album, c'est le Husky. Nous, on va aller écouter une pièce de son dernier et seul album complet. On va écouter la pièce « Mourir comme un chien » du Husky en attendant les nouvelles pièces du bon avril. Vous êtes à Assemblage Requis au 89.fm. dormir comme un chien du Husky à Assemblage requis. C'est la fin de la première heure. Oui, dans la deuxième heure, manquez pas, il va y avoir une chronique CNX et on va aussi entendre la capsule de Martin Bertrand. Sa voix mielleuse. Mielleuse et très téléphonique. Téléphonique, effectivement. À son téléphonique. C'est dans la deuxième heure, alors restez donc avec nous, rien que pour le fun. Pas game. Pas game, chicken. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission qui vaut mieux lever à deux parce que sinon on pourrait se blesser le bas du dos. Effectivement, c'est très important de plier les genoux aussi. Oui, on ne dira jamais assez, hein, Kiwan. N'est-ce pas, Mathieu Plante? On ne dira jamais assez, Mathieu Plante. Bon, nos noms sont dits. C'est une bonne affaire de fête. On est ensemble jusqu'à 17h avec un paquet de bonne musique, un paquet de contenu aussi, hein, parce que dans la deuxième heure, il va y avoir la chronique technologique CNX. Ça s'en vient là bientôt. Là. Il va aussi y avoir la capsule sur les petites mythologies de Martin Bertrand, mais pour tout de suite, on va s'en aller en musique avec un groupe qui s'appelle Les Incendiaires et dont l'album Mono no Aware est disponible en téléchargement gratuit. Vous allez faire un tour au lesincendiaires.bandcamp.com et vous pouvez avoir tout l'album au complet gratuitement. Yeah. C'est bon ça. T'aimes ça, Mathieu, du Kid Kuna. C'est Kid Kuna qu'on vient d'entendre, l'ancien chanteur des Ghouls, qui va être ici à Trois-Rivières vendredi prochain, le 29 janvier. C'est au Café Le Zénobe, au Café Bar Le Zénobe. Belle place. Voilà. Voilà. C'est pas parce que j'aime pas cette pièce-là que j'aime pas Kid Kuna et que j'aime pas les Ghouls. J'aime la pièce Crab, entre autres. Oui, Crab. C'est un vieux succès des Ghouls. Crab, pas, j'aime ça. Je sens que tu essaies de justifier, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de le faire. Bon, j'ai le droit d'aimer et de pas aimer ce que j'aime et ce que j'aime pas. Exactement. Tu sais ce que j'aime? Quoi donc? Parler de technologie. Autour du net. Oh oui, dans la chronique technologique CNX aujourd'hui, on parle de choses qui se sont passées sur Internet. Puis moi, je vais te mettre au courant de ce qu'il y a de drôle et de le fun et que les gens s'envoient sur les Facebook, là, les différents My Face Page Twitter. Ouais, vas-y, je sens que j'ai justement du retard à rattraper. Est-ce que c'est le moment, Mathieu, où tu me suggérerais de changer de place? Ah, ben bonne idée, oui. Okay. Je te suggérerais ça. Viens, t'en de mon côté, viens ici, que ouais. On parle d'un blog pour commencer qui s'appelle Men Who Look Like Old Lesbians. Donc, littéralement, des hommes qui ressemblent à de vieilles lesbiennes. C'est pas, moi, j'apprécie pas du tout l'idée de faire ce site-là, mais c'est ce qui fait le tour du net en ce moment. Et ça peut être cocasse pour certains. On parle de d'hommes qui ont l'air de lesbiennes butch. Bon, c'est un peu le terme que les gens utiliseraient de façon complètement diffamatoire. Et en plus, on explique pourquoi ils ont l'air de ça. On passe des photos. On peut vraiment choisir la personne que l'on veut, lire les descriptions. C'est ici, là, particulièrement. Ici, là. Ouais, là. En tout cas, c'est menwholooklikeoldlesbians.blogspot.com ou allez voir sur assemblagerequis.com. Le lien est là-dessus. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'ils disent là-dedans parce qu'il y en a que je trouve pas du tout. Mais il y en a que oui, par exemple. Vraiment. Ça, moins. Non, pas sûr. Pas tant que ça. Le prochain site est funnycode.pirello.com. C'est la personnalité publique. En fait, c'est une vedette dans le monde geek, Chris Pirello, qui a parti ce site-là avec Jake Warner. Et dans le fond, tu écris une phrase, n'importe quelle phrase, genre « Assemblage requis est la pire émission de tous les temps », ici. Et puis là, en dessous, ça va le marquer dans différentes sortes de caractères. Tu sais, sur Facebook, des fois, on voit des majuscules, minuscules, les petites filles aiment bien écrire avec ces lettres-là. Ici, on offre des affaires différentes. Par exemple, des lettres barrées, un peu comme ça, des lettres dans des ronds. Comme ça, dans le fond, c'est que ça prend des polices, ben en fait pas des polices, des symboles qui sont disponibles sur tous les ordinateurs qui ont Windows ou Mac. Donc ces caractères-là sont t'as pas besoin de télécharger une police pour les avoir, pour pouvoir les utiliser. Donc par exemple pour écrire à l'envers ici, des grosses lettres que t'as l'impression que c'est pas une phrase, mais quand tu regardes comme faut, tu te rends compte, ah ben oui, regardons ça, ça dit vraiment la phrase que qui est écrite là. Tu peux avoir des inter-majuscules, donc une majuscule à chaque mot. Donc, vraiment plein de façons de faire des phrases différentes. Ça peut être utile pour envoyer sur Facebook, pour être original, pour être drôle. C'est funnycode.pirillo.com. J'aime bien ça. Autotune, tu connais l'autotune. On en parle dans pas mal chaque chronique CNX ici. Tu sais, quand on essaie de faire arriver le chant d'une personne sur la note là, et que ça sonne un petit peu comme T-Pain ou comme Cher, on a pris le texte, le discours très célèbre « I have a dream » par le docteur Martin Luther King Jr. et on l'a mis en autotune. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King Jr. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time arise from the dark and desolate valley of segregation, the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice. Vous pouvez même aller télécharger le MP3 de cette chanson-là si ça vous intéresse en passant sur assemblagerequis.com et en cliquant sur le lien. C'est un hit! Ouais, parce que ça va devenir un succès radiophonique. Ah, ça pourrait, hein. Très joli, très très mignon. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve ça catchy à mort. C'est pas mal plus catchy que bien les affaires que j'entends à radio. Toujours dans le bloc autour du net de CNX. Prochaine affaire, c'est vraiment cool. Très très très cool. C'est une boîte noire. D'accord? C'est une sculpture artistique, là, une sculpture physique qui existe dans le vrai monde qui essaie perpétuellement de se mettre en enchère sur eBay. Donc, à chaque 10 minutes, la boîte noire qu'on peut voir sur l'image sur assemblagerequis.com ping un serveur, donc envoie un signal à un serveur sur Internet via une connexion à l'arrière de la boîte pour vérifier si elle est en vente sur eBay en ce moment. Et si l'enchère est terminée ou si l'objet s'est vendu, eh bien, automatiquement, il recrée une autre enchère pour se vendre elle-même, la boîte. Si quelqu'un l'achète sur eBay, le propriétaire de la boîte doit l'envoyer au nouveau propriétaire et le nouveau propriétaire doit brancher la boîte dans une prise Internet et le cycle se répète. C'est génial, c'est de l'art. Mais est-ce qu'il y a des gens qui dépensent vraiment de l'argent pour avoir la boîte pendant une journée puis pour qu'elle se revende? Ça doit prendre du temps quand même, là. Ouais, ben à combien est l'enchère présentement? À 4 250 $ américains, donc apparemment que oui, ça se vend quand même. C'est quand même beaucoup d'argent, là. 12 mises jusqu'à maintenant sur cette boîte noire, là, en ce moment même. Il reste 3 jours et 1 heure à l'enchère, donc l'enchère se continue pendant le nombre de jours qui est déterminé. Après ça, nécessairement, soit l'enchère se termine et se remet automatiquement en vente, ou encore l'enchère est gagnée, le propriétaire l'envoie au nouveau. Étrange, hein? Mais sur la boîte noire comme ça, la façon qu'elle est placée sur la photo dans une galerie d'art, tu sais, oui, ça a l'air artistique, mais sinon, c'est une boîte noire, carrée, là. C'est... Un morceau de plastique avec une prise sur le côté, ouais. Pas très beau, là. 8 par 8 par 8. C'est fait d'acrylique, d'électronique à l'intérieur, évidemment, de programmation, d'une collection Internet et d'une enchère en ligne. Ce sont les ingrédients pour ce projet qui s'appelle A Tool to Deceive and Slaughter. D'accord. Ensuite, on retrouve sur youtube.com/disco. C'est un projet de découverte de musique et de création de playlists. Donc, si tu nommes un artiste ou un groupe moyennement connu, au hasard. Je passe ça tout de suite. Ouais. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears, bon choix. Donc, automatiquement, quand on arrive sur ce site-là, ça commence à te jouer de la musique, un vidéoclip de Britney Spears, de l'artiste que tu écris. Ça donne une petite biographie. Ça te montre différents vidéoclips, encore une fois, une longue playlist. Tu peux faire du mixage soit de l'artiste, différents vidéoclips, ou soit vraiment un mix de plusieurs artistes qui ressemblent. Comme là, il me propose Britney Spears, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Pink. Et puis là, ça roule pas mal dans les mêmes artistes pendant un bout. Puis ça, Jessica Simpson, plein d'affaires comme ça. Christina Aguilera, que du succès, que de la bombe! As-tu testé avec des artistes québécois? Essayons le live comme ça, juste pour le fun. Donne-moi un artiste. C'est Carquois. Bon, Carquois. On tape. Oui, donc, vidéoclip, il y en a plein. Bande de mixage, oui, ça me donne du Thomas Fersen, Daft Punk, The Verve, Patrick Watson, Malajub, donc quand même. Wow. Pas pire du tout. Je sais pas si on commence à aller dans des affaires un petit peu plus obscures, là, disons un lac Estion. Là. Ça me donne du Power Up First. Ah. Tu vois? Pas exactement le même genre de musique, mais bon. Donc voilà, ça c'est sur youtube.com/disco. Sur vintageadbrowser.com, on nous donne 100 000 publicités d'origine, là, vintage. Vintage, c'est vieux old school, si on veut, à explorer. Donc par thème, on peut aller, disons, beauté et hygiène. Ça va nous donner vraiment des vieilles publicités là, du temps. Là. Tu sais, ça nous dit vraiment de quelle année ça date. Ça date aux alentours de 1800. D'accord. Si on fait suivant, en 1850, waouh! Des vieilles affaires de beauté et d'hygiène. Là, on peut y aller par catégorie, donc vraiment, il y a tout là-dedans. Télé, électronique, sport, moyen de transport, vedette, alcool, avion, n'importe quoi. Tu peux passer pas mal de temps à regarder des vieilles publicités des années... C'est seulement des photos, hein. C'est des publicités, c'est des images. Ouais. C'est ça, pas de vidéo là-dedans, malheureusement. C'est dommage, parce que dans l'alcool, il y aurait sûrement eu plusieurs très bonnes vieilles pubs de bière. Ah ben sur YouTube, là, Publicité ouais. Québec, il y en a vraiment plein. Hein. Ouais. C'est très cool, ça, j'adore ça. Hey, des Lego, wow. OK. C'est le site sœur ou frère, si on veut, plutôt masculin, de coverbrowser.com, qui est un site qui offre 450 000 et plus couvertures de bandes dessinées, de livres et plus. Donc, encore là, classé par thème. Donc, c'est le même principe sur Cover Browser que sur Vintage Ad. C'était quoi, Vintage Ad? Browser. Oui, c'est ça. Sur urlesque.com, on nous montre des... ça, c'est le fun. C'est le fun. Tu sais, quand tu trouves quelque chose de tellement mignon que tu te dis, wow, c'est tellement mignon que... Je voudrais que ça explose, tu sais. Pas tu dis jamais ça, vraiment. Moi, en tout cas, c'est pas le genre de choses que j'aimerais voir, des choses qui explosent. Mais ici, notre prochain site est vraiment cutethingsexploding.com. Puis là, l'exemple sur la page d'accueil, c'est un chaton. Donc, j'imagine que t'es pas d'accord avec les chatons qui explosent. Ben non, moi, tu vois comment la cruauté envers les animaux, là, ça me touche vraiment beaucoup. Non, mais c'est pas un vrai chaton, quand même. C'est non. J'ai des graphismes par ordinateur, Avatar, etc. 2012, là. Hein? Commençons avec le Surprise Kitty. Tu as sûrement vu le Surprise Kitty. Là, peut-être tu l'as pas vu. Non. Je devrais pas prendre des choses pour acquis comme ça. Vraiment pas. C'est le chat qui fait... Il y a quelqu'un qui flatte sur le ventre, puis que ça fait comme... Le petit chat, il est comme tout bien surpris. Ah, ils l'ont fait exploser, regarde ça. Cute things exploded. Oh, attention, faut vraiment voir Mathieu. Aïe! Faut vraiment voir Mathieu faire le même geste que le chaton. Mais c'est le chat le plus mignon du monde, celle-là. Mais quand il explose, par exemple. Boom! J'adore ce site. Ouais. Dramatic Chipmunk, tu sais, on l'avait déjà mentionné ici à la chronique CNX. C'est lui qui fait. Ah! Wow! Wow! Ah, il n'existe plus. C'est bon. La toune est terrible. Elle est vraiment écœurante. Il y en a plein de même. Dwarf Hamster. Oh, petit hamster. Oh, il y a le petit hamster. Il court, là, le petit hamster dans sa... Oh, OK. Il court plus, par exemple. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! C'est tellement immature, mais c'est drôle. Allez voir, c'est cutethingsexploding.com. C'est une chaîne YouTube et c'est un paquet de... Ah, ils sont pas fins, j'aime pas. Moi, j'aime pas ça du tout. Ben ouais, mais là, moi, je trouve ça moins pas fin que le premier où on compare des hommes à des, bon, à des vieilles... Ouais, ben je sais. Sinon, frailblog.tumblr.com, c'est vraiment un blog. Tu connais la mode sur Internet de mettre des vieilles personnes dans des contextes qui n'ont pas vraiment rapport avec les vieilles personnes. Des contextes technologiques, des affaires qui ne sont pas trop au courant. T'sais, on a vu il y a quelques semaines les madames qui étaient comme dans un manège sur un écran vert. Ça a fait le tour du net, ça. Ben, sur ce blog, frailblog.tumblr.com, on montre sérieusement juste des photos de vieilles personnes qui ont l'air pas dans leur élément. Ou pas à leur place, dans différents endroits, avec commentaires savoureux. C'est juste vraiment le fun. Oh, Callaway. C'est des vraies photos, là. Des vraies photos vintage, là. Ah, wow. Ouais, hey. pas toutes des vraies photos. Ouais, ben, ça, c'est une vraie photo. Je pense que la fille était dans un centre d'achat. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, évidemment, des photos à la radio, c'est pas winner-winner, mais allez voir frailblog.tumblr.com pour voir des vieilles personnes agir drôlement et avoir l'air un petit peu bizarre. C'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça cool. Ah, wow, écrime. C'est une belle jupe, ça. Bon, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Ça, c'est vraiment stupide, par exemple. C'est une nouvelle marque de ponctuation. Tu connais le point d'exclamation, tu connais le point d'interrogation. Connais-tu le Sark Mark? Non, je connais le ECDI, par contre. Ah, ECDI, dis-moi en plus. Tu te souviens pas, c'est les gars de Martin Priorité qui veulent faire du ECDI, la marque pour le nénisme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux autres. C'est correct. Mais oui, mais t'as l'air d'apprécier ça. T'étais contre le blog sur les hommes qui ressemblent à de vieilles lesbiennes, mais la marque de nénisme, ça te dérange pas. Non, c'est vrai que c'est pas gentil, là, mais c'est y a aucune photo dégradante de nain, là. Simplement pour marquer leur différence, leur genre. Leur différence à eux, ou c'est quand tu es nain que tu te sers de ce ECD-là à toutes les situations, à chaque fin de phrase ou dans tes phrases? C'est quand tu utilises un adjectif qui s'applique à un nain, mais t'as pas besoin de dire que la personne est naine. Ah. Si le ECD, ça veut dire que l'adjectif s'applique à un nain, tout simplement. C'est tout à fait logique. Mais je sais que c'est pas gentil, c'est effectivement méchant. Donc, le Sark Mark est une marque de ponctuation pour montrer le sarcasme. Oui, les exclamations ont leur point d'exclamation, les questions ont leur point d'interrogation, et les remarques sarcastiques ont un point avec une spirale autour qui commence par la gauche et s'en va jusqu'en haut. Ceux qui ont inventé cette marque-là, ce point-là, sont très très sérieux, apparemment. Le journal Telegraph dit ce qu'ils ont appliqué pour avoir un brevet. Mais qui niaisent pas mal sur leur utilisation de cette marque-là. Bref, ça coûte 2$ pour acheter le droit de se servir de ça, acheter la police ou peu importe qu'est-ce qui vient avec. D'autres façons, selon Urlesque.com, de marquer le sarcasme, c'est peut-être juste à la place d'écrire en parenthèse genre c'est une blague, ou encore mettre un petit bonhomme avec un point-virgule puis une parenthèse qui fait comme un clin d'œil. Soit un haha. Ou encore une autre phrase complètement qui dirait « Cher monsieur, j'étais en train de faire de l'ironie lorsque j'ai dit cette phrase. » Comme ça, serait moins cher. Il n'y a vraiment aucune ambiguïté, effectivement. Mais tu sais, de toute façon, un point d'interrogation, ça fait partie des langues. Là. Ça fait partie de la grammaire française. De chacune des langues, ils ont leur ponctuation différente. Donc, ça s'appliquera jamais. Il n'y aura jamais aucune langue officielle qui va, en tout cas, je crois, là, qui va intégrer ça. Qui va adopter le point de sarcasme. Tout à fait d'accord. Mais la compagnie fait parler d'elle, par contre. Eh oui, on en parle ici, donc ça marche. Mais est-ce qu'ils font d'autres choses que juste le point de sarcasme? Est-ce qu'un jour, quelqu'un va l'utiliser? Ben oui, sûrement, là, mais est-ce que nous deux, on va utiliser ça un jour? Non. Au moins une fois, comme blague. Mm. Mais est-ce que ça coûte 2$ pour s'en servir? Donc, peut-être pas, finalement. Voilà. Peut-être sur du papier. Même là, tu sais, en tout cas. Si tu l'écris sur du papier, c'est que la personne te va l'écrire au pire. Fait que... pour la prochaine fois que tu écriras une lettre, là... Ouais. À la main. Avec un timbre. Ouais. Le temps file, mais il y a encore des choses que j'ai envie de vous dire. Donc, allons-y avec une dernière petite affaire ou deux. Tiens, The Faking Hoaxer, qui est quelqu'un sur YouTube. Son nom, donc, The Faking Hoaxer, donc l'arnaqueur fausseur, si on veut, qui fait des vidéos réalistes de visites d'ovnis, de rencontres avec des fantômes et d'autres événements paranormaux. Je pourrais utiliser un point de sarcasme ici pour dire ce que je pense de tout ça. Bref, une vidéo ici d'une Space Shuttle, d'une fusée de l'espace, en train d'être détruite dans l'espace. Donc le gars, je sais pas, il est vraiment très très talentueux dans ce qu'il fait. C'est sur YouTube, donc le gars fait de fausses vidéos avec son ordinateur et différentes techniques pour que ça ait l'air le plus vrai possible. Donc si vous allez sur YouTube, vous allez voir des fantômes, des trucs comme ça. Ça peut être cool à regarder pendant un bon bout de temps, parce que c'est très beau. Avoue que ça a vraiment l'air d'un vrai documentaire, ça. Effectivement. C'est fait avec de vraies photos d'une fusée. Ensuite, il a utilisé Photoshop pour l'endommager et le mettre en morceaux. Et puis, il l'a mis dans l'espace avec After Effects, donc deux logiciels de Adobe. C'est un professionnel. Ce gars-là va se faire engager à quelque part. Quelqu'un qui s'est fait engager, par contre, et là, on le sait, c'est Dominique Carpin qui nous... Pas Dominique Carpin qui s'est fait engager, mais c'est lui qui nous a rapporté ça. Que le blogueur, que le vidéaste, pardon, Patrick Boivin, tu te rappelles Patrick Boivin? Il a réalisé une vidéo pour Google visant à faire la promotion de son nouveau téléphone intelligent, le Nexus One. Donc, la vidéo de Patrick Boivin met en scène trois ninjas qui effectuent un déballage en règle du Nexus One, ce qu'on appelle un unboxing. À la fois divertissante et surtout très différente, dit l'article, cette vidéo s'appuie sur une technique nommée animation en volume ou animation image par image. C'est du stop motion ou du go motion, dépendant de où vous vous situez sur la planète. Donc, la petite vidéo qui dure une bon 90 secondes. Je vais vous laisser aller voir tout ça sur assemblagerequis.com, mais quand même, nous en studio, on se gâte avec un petit extrait stop motion de ces ninjas qui viennent déballer un appareil téléphonique Google. J'aime la musique choisie est vraiment toujours bonne. Il y a toujours un peu la même esthétique, hein, Patrick Boivin. On peut reconnaître assez facilement ses films. Puis même pour ceux qui étaient fans dans le temps de l'émission Philacteur Cola, c'est exactement le même style. On peut vraiment reconnaître l'esthétique de Philacteur Cola parce que c'était lui qui était le réalisateur de tous les films de Philacteur Cola. C'est vraiment des très, très, très beaux films et vraiment bon, Patrick Boivin. Donc, encore une fois, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Technique qui est mentionnée pas mal en détail sur l'article de Branchez-vous qui nous dit comment c'est fait tout ça. Et si vous voulez aller voir d'autres vidéos de Patrick Boivin, cherchez-le un peu sur YouTube, ça se trouve très très très bien. Et tu disais qu'il avait été engagé à quelque part? Non, c'est par Google pour faire cette par vidéo. Google, okay, c'est comme un contrat dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. C'est même marqué au début genre commandité par Google. Donc ce n'est pas une vidéo virale. C'est assumé comme étant fait par Patrick Boivin et c'est bien pour Google. Voilà donc pour la chronique CNX pour aujourd'hui. Ce petit tour du net, ma foi, plutôt savoureux. Mm-hmm. Hein? Si je peux le dire ainsi. T'as le droit. C'est justifié. Ça avait l'air sarcastique. Est-ce que t'as ton petit point non, avec un petit... Non, vraiment pas. Non? C'était vrai. T'as pas l'air de... En tout cas. Ah, que j'aime donc ça. Je savoure ce silence. Donc, c'était la fin de ta chronique CNX pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va en avoir d'autres cette semaine, Mathieu? Alors que tu as décidé de jouer au silence. Ouais. On joue au silence, c'est toi qui commences. Il y en aura d'autres cette semaine, parce qu'il y en a trois par semaine ici, à Assemblage Requis. Voilà, pas tout aussi long que ça. Ouais. Non, on pourra les retrouver lundi prochain à 10h dans l'émission CNX.zip. Zip. Ouais. Et nous, pour tout de suite, on va retourner en musique. Ouais. Il reste encore une demi-heure à l'émission. Dans la dernière demi-heure, il va y avoir entre autres les petites mythologies de Martin Bertrand. Mais pour tout de suite, on va aller écouter le groupe Bravo Funken. C'est une nouveauté francophone ici à CIFO. On va écouter la pièce « Ta mère va danser » à l'émission Assemblage Requis au 89.1 FM. Ça avait l'air vrai de la façon que tu le disais. Là. Ça, je t'ai cru. Ah ouais, t'aurais pas mis un point de sarcasme là-dessus? Non. Réinventer un point pour la susceptibilité, peut-être aussi. Ah. Ou juste un point de silence. C'est comme trois petits points, c'est pas déjà, je pense. T'en mets 30 de suite, puis... jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Red, c'est Barcel, assemblage Rocky, toujours aussi bon, peu importe combien de fois qu'on l'écoute, ça. Oui, Cougarette faisait partie du spectacle de lancement de la session d'hiver de Shiz 94.3 Québec et malheureusement, personne qu'on connaît a été voir, donc on n'a pas vraiment de nouvelles du spectacle. On pensait bien avoir un peu de nouvelles, mais tout un spectacle qui avait lieu jeudi passé, c'était Cougarette, Winter Gloves, Think About Life et Clues. Miam. Tu sais, Kiwan, chaque semaine est sur le même mode, exactement le même que les mythologies qu'avait fait Roland Barthes en 1957. Martin Bertrand présente des capsules sur différents produits de la culture de masse qui opèrent comme symbole, voire icône de la société contemporaine. On appelle ça les petites mythologies de Martin Bertrand. Un jour, peut-être qu'on pourrait écouter ceux de Martin Barthes. Non? Ouais. Ouais. Est-ce que ça existe? Roland Barthes. Roland Barthes. Je pense pas que c'était audio, par exemple. Non, hein? Faudrait les lire. On pourra faire une lecture. Et cette semaine, Martin Bertrand nous parle de la presse People. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou.

qui est une revue. Hein? Et puis dans la revue aussi de Maurice Nadeau, Les Lettres Nouvelles, ces courts textes l'ont fait connaître de vastes publics et ils ont été réunis dans un seul volume, un livre, en 1957. Donc c'est sûrement de ça qu'on parle. Et elles ont même inspiré les capsules de Martin Bertrand. Et c'est vraiment ça en première position. Et ensuite le livre et ensuite le magazine. Ben, aujourd'hui, ce qui reste de ça, oui, c'est ça. Ben, ça laisse sa trace, hein. Oui. Voici The Bird and the Bee. Ah, son âge requis. Diamond Dave. When I was a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked. Just like dark, we were so scared. I played it cool 'cause I loved you. Heard a sound, you heard it too. We held it close, soon I said to you, hold my hand. You squeezed it tight and I loved you. I said, oh no, I don't believe in ghosts. Oh no, I won't believe in ghosts. I said, oh no, I don't believe in ghosts. All alone, it was strange. The closer he came, the more that I could tell that he was sad and ashamed. But he smiled as he drifted by all alone. I was far too scared to run, so I just stared. Don't believe in ghosts. Oh, no, I won't believe in ghosts. Oh, no, I don't believe in ghosts. Silver Starling avec la pièce Ghost, c'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui, Mathieu. Oui, et quelle excellente fin d'émission, je dirais, cette pièce-là, moi. Oui. Mm-hmm. Même si c'est assez gris dehors, c'est quand même un peu joyeux, cette pièce-là. C'est ça, on met du soleil dans vos oreilles, comme dit le cliché, vraiment beaucoup trop cliché, finalement. Mais c'est dit. Restez à l'écoute de C'est fou toute la soirée, hein, parce que dans quelques minutes à 17h, ça va être Donne-moi le goût, puis Crowd Rock va commencer à 18h, ça sera suivi du Voyage insolite à 19h et de Site au poil en fin de soirée à 22h. Demain, soyez là à 7h pour la pilule du lendemain avec Simon, évidemment. Là, il conseille de partie. Il va y avoir le dîner de con. Nous, on va être là à 15h. Plein d'affaires se passent. C'est comme ça, c'est comme une partie de ping-pong que tu regardes. Là, t'es comme, wow. Tu regardes-tu vraiment du ping-pong? T'as déjà regardé une partie de ping-pong? Jamais. Bon. Mais j'imagine que c'est comme ça. Sûrement. Ça doit. On se quitte avec le classique des pièces courtes pour terminer une émission pour se rendre à notre temps. La pièce « Demain, je travaille » de Mimi Van Der Glo. On finit souvent l'émission avec ça. Hein? Mm-hmm. Pourquoi? C'est comme un cliché, ça aussi. Hein? Ben, il y avait juste à pas faire une pièce de 1 minute et demie pour nous accommoder aussi bien. À demain. Bonne soirée, Kiwan. Bye, Mathieu. Bye.